Deuxième partie de l'enregistrement. Et voici la fréquence de Radio Loup-Malin sur votre trajet. Vous pouvez écouter notre radio à 40 km autour des grandes villes suivantes. Toulouse, 105.3. Carcassonne, 102.8. Narbonne, 96.7. Perpignan, 103.3. Béziers, 98.3. Et Montpellier, 87.5. Bonne route avec Loup-Malin.